Dilemme, Noan. Si je devais résumer mon état d'âme en un mot, je dirais que je me sentais déchirée. Déchirée entre deux pulsions, deux ambiances, deux mondes. Phil était mon compagnon depuis 5 ans, durée moyenne d'un couple selon les magazines. Plutôt insignifiant d'apparence, il avait réussi à me conquérir par son calme et sa douceur. Son charme discret mais réel avait fini par exercer sur moi une emprise bienfaisante. Jamais je n'aurais imaginé faire ma vie avec lui. De taille moyenne, un télo bigleux, renfermé, il était le contraire de ce qui me faisait fantasmer. Malgré tout, une complicité étrange avait fini par se nouer entre nous. Je me sentais écoutée et appréciée. J'aimais sa façon de parler, intelligente, sans être pédante, ouverte, tolérante. Il appréciait les gens qui font autrement, ceux qui sortent du troupeau, surtout les plus bizarres. Au fond, voici comment je pourrais le résumer. Un paladin tranquille, épris de liberté, parcourant la vie d'île en île. Phil n'était pas porté sur la fantaisie, et s'il faisait bien l'amour, j'avais fini par le connaître assez vite. Au bout de 2 mois, je savais d'avance ce qu'il allait faire. Ce côté prévisible me décevait. La routine, bien que réconfortante, avait fini par m'user. Je me sentais vieille à moins de 40 ans. Boulot, vélo, dodo. Et le samedi matin, sexo. C'est pourquoi un vide fantasmatique s'était installé en moi. Une impression vague de manque, une usure mélancolique. Les jours passaient, tous pareils, comme des wagons sur des rails sans aiguillage. De Phil, je n'attendais plus ni trouvailles ni découvertes. Je le savais rangé, tranquille. Je le croyais incapable d'initiative. La seule fantaisie qu'il avait vécue, c'était au début des années 80. Il faisait alors sa candy en physique, avec 2 autres étudiants, une fille et un garçon, tous éméchés, ils avaient fini dans le même lit. Phil décrivait ce moment comme le plus troublant de sa vie sexuelle. Cet acte l'avait profondément touché. Prendre cette fille après son amie, se glisser dans le corps de cette tendre blondinette encore toute ruisselante des ardeurs de son copain, sentir la moiteur mêlée de leur sécrétion à tous deux. De la douceur ajoutée à de la douceur. Celle de la fille enrichie par le miel du garçon. Tels sont ces mots, dits avec une lubricité que je ne lui avais jamais connue. De cet aveu, j'avais déduit que Phil avait un côté bisexuel. Mais il admettait aussi que c'était à une époque bénie, qu'il appelle les 30 glorieuses sexuelles. Entre la découverte de la pilule et le chaos du sida. Aujourd'hui, on n'oserait plus. J'aurais aimé, quant à moi, vivre avec lui ce genre d'expérience. Mais encore fallait-il trouver le cadre propice, l'ambiance, le partenaire. Encore fallait-il que Phil retrouve ce brin d'extravagance qu'il avait perdu. Il travaille à présent à l'université, comme chargé de cours au service de mécanique des fluides. Que du sérieux, du concret, rien qui laisse place à la gaudriole. Je m'étais glissée dans les ornières de cette relation. Je m'y sentais bien et ne voulais pas en sortir. Il était mon confident, mon double, mon rassureur. Mais la raison est impuissante face aux exigences du corps. Un autre garçon est arrivé, au bon moment. Il avait tout ce qui me manquait, tout ce que Phil n'avait pas. Antoine était le contraire de Phil, fantasque, extraverti, exubérant. Lui n'avait aucune barrière, aucune limite. Avec lui, tout semblait possible. Je m'étais laissée aller, espérant que cette incartade resterait passagère. Mais je m'étais attachée à lui, sans pouvoir me détacher de l'autre. Je vivais depuis 6 mois dans cette dualité de liaison entre raison et déraison, entre logique et fièvre, entre droiture et fantaisie. Et j'avais besoin des deux. Il me fallait la stabilité de Phil autant que le délire d'Antoine. Étais-je heureuse ou malheureuse? Les deux, en fait, selon l'heure du jour, selon mon humeur. Heureuse de me sentir doublement aimée, déçue par ma propre duplicité. L'impression d'être coupée en deux, écartelée, écrasée peut-être comme toute femme par 2000 ans d'esclavage et de croyances qui ont fait de nous toutes des coupables par définition. J'aurais voulu tout dire, tout avouer et vivre ces deux amours ensemble, sans secret. Mais je connaissais Phil et je le savais fragile. Comprendre, oui, mais il aurait été blessé. Il n'aurait rien dit, tout serait entré en lui. Mon aventure l'aurait rendu triste, il se serait enfoncé dans la déprime. Alors, les mois passaient dans le mensonge et le déni. Je pensais que le temps arrangerait tout, mais le temps ne faisait qu'enraciner les habitudes, et tout devenait plus difficile encore. Et puis finalement, tout a changé, comme sur un coup de baguette magique. Ce jour où les deux se sont rencontrés. En fait, ils s'étaient déjà croisés plusieurs fois pendant leurs études, 15 ans plus tôt, sans se remarquer vraiment. J'étais avec Phil et on l'a vu, Antoine, seul, qui se promenait comme il le faisait souvent en ville, semblant chercher un peu de fun, un pote à qui parler. Ils se sont arrêtés tous les deux et ont entamé un long dialogue. Ils avaient de vieux souvenirs communs, et moi, j'étais morte de trouille. Je redoutais d'être démasquée. Antoine n'avait rien à se reprocher, il était célib. Phil non plus, il était en couple avec moi, casanier et fidèle. C'est moi qui portais le poids de la faute. Faute ennuyeuse à mes yeux, faute impardonnable pour la bourgeoisie bienséante dont je proviens, attachée à ses vieilles valeurs. C'est ce poids-là qui m'écrasait le plus, même si personne ne savait, la morale n'a pas de visage. Les deux hommes de ma vie réunis, occupés à papoter sur le trottoir, c'était angoissant. Et puis ils se disent « On irait bien s'asseoir à une taverne, hein, Jessica ?» Moi, je suis à la fois sidérée et enchantée. Peut-être était-ce le moment ou jamais de mettre les choses à plat et d'avouer enfin devant mes deux moitiés réunies. On entre dans le premier bistrot venu. On commande des boissons alcoolisées. J'aimerais que ce petit trio s'entende bien, que les choses s'éclaircissent. Ce sera le cas, mais pas de la façon que j'imaginais. Pourtant, je savais l'influence de la boisson sur Phil. Phil bourré, on pouvait s'attendre à tout. Il n'avait pas l'alcool méchant, il l'avait bizarre. Les barrières qu'il passait son temps à dresser tout autour de lui tombaient tout à coup. Il parlait à l'envers, riait de choses sérieuses et pérorait sur des facéties. « Laissons-le planer, me suis-je dit, et on verra si tout va bien. Je montrerai mon attirance pour Antoine, tout simplement, je me laisserai aller. Je ne dirai rien à Phil, mais je ne lui cacherai plus mon penchant pour son ami, juste un peu pour voir sa réaction. Et s'il réagit bien, je lâcherai le morceau. Quand je sens que Phil est bien détendu, je me glisse contre Antoine et je passe mes doigts entre les siens. Phil a l'air surpris, mais nullement blessé, comme je l'aurais pensé avant. Alors, encouragée, je saisis la tête d'Antoine entre mes mains et je l'embrasse tendrement. Phil continue sur sa lancée. Il raconte des anecdotes, notamment celle d'un étudiant un peu barge qui soutenait une hypothèse selon laquelle, quand une mouche se pose sur un train, la vitesse du train devient nulle pendant une durée infiniment courte. Un débat interminable avait suivi et le prof n'avait pas réussi à détromper l'étudiant. Je sens une vive chaleur me parcourir. J'ai envie d'Antoine, une envie folle, irrépressible. Je fantasme, je me revois sur lui, me balançant sur son corps rassé, son énergie qui entre en moi jusqu'au fond de mon ventre, me donnant des frissons, des spasmes qui se propagent dans mon corps tout entier. Jamais je ne pourrais me passer de lui, de son aura, de son physique d'athlète, et puis ses yeux qui virent de couleur quand il jouit. Je le veux lui, tout entier et sans réserve, mais bien plus encore. J'aimerais que nous soyons unis tous les trois, complices jusque dans l'intime, que tout soit clair et transparent. Une vie sans ombre, totalement libre, un amour partagé, multiplié. Une sorte d'union à trois où chacun laisserait libre cours à ses désirs sans jalousie. Je nous sens tellement proches maintenant, Antoine dans mes bras et Phil qui rit de ses vieilles histoires en nous regardant. La main d'Antoine s'est glissée sous ma petite culotte, mais je l'ai repoussée. Il ne faut aller trop vite. Mais Phil continue à boire et il se gausse. Il a l'air heureux. Contre toute attente, ma tendresse pour son ami ne le heurte pas. Je sens mes derniers doutes s'évaporer. Nous continuons ce petit jeu pendant plus d'une heure, et de fil en aiguille, la conversation devient plus délurée. Ils se racontent leurs vieilles histoires, les baptêmes d'étudiants. Là, je me suis dit que c'était fichu. On en avait pour des heures d'histoire pas vraiment glamour. Je sens mon corps frissonner de désir avec le bassin d'Antoine contre le mien, et en face les yeux doux de Phil qui me font encore rêver. Ce soir, il faut aller jusqu'au bout. Mais au bout de quoi? Je ne peux me passer des caresses d'Antoine, la sensation inexplicable d'avoir son corps ferme contre moi, de sentir son sexe dans ma main, dans ma bouche, le goûter, le gober. Je le veux là, tout de suite, mais avec la complicité absolue de Phil, plus dans l'ombre comme avant. Heureusement, la conversation a repris à un tour plus grivois. Mes deux hommes ont dérivé sur leur vie amoureuse. À mon grand étonnement, Phil avait eu de nombreuses relations dont il ne m'avait jamais parlé. Il était plus porté sur la chose que je l'imaginais. C'est la routine qui nous a tués et le manque de dialogue intime. Et puis il me vient une idée pour sortir de mon embarras. Je me lance tout à coup. Phil, tu m'avais parlé d'un trio que tu avais fait avec des amis. Oh oui, répond-il. C'était étrange, fascinant. Dis-moi, tu ne voudrais pas en refaire un avec Antoine ? Le temps s'est arrêté subitement. Antoine s'est transformé en statue. Il n'ose plus bouger. Phil reste un long moment bouche bée, et puis il boit une grande gorgée de bière, comme un prétexte pour réfléchir. Enfin, il répond. Pourquoi pas, si toi, Antoine, est d'accord. Phil, autant que tu le saches, Antoine et moi, nous avons des sentiments l'un pour l'autre, tu comprends? Je le sais depuis longtemps. Quoi? Mais pourquoi n'as-tu rien dit? Et comment l'as-tu appris? Je vous ai vus tous les deux il y a 3 semaines environ. Je n'ai pas voulu t'en parler parce que j'avais peur. Je ne sais pas de quoi, peur de te mettre dans l'embarras, peur que tu partes avec lui. Et ça ne te fait rien? Jessica, je t'ai toujours dit que chacun était maître de son corps. J'aime la liberté et je déteste les dogmes, même celui de la monogamie. Je me sens bizarre subitement. Soulagée, oui, soulagée que cette palissade entre nous soit enfin tombée. C'est curieux, tous les deux nous savions et aucun de nous n'a osé en parler, de peur de blesser l'autre. Mais le silence nous avait rendus plus tendus, au contraire, plus méfiants. Délivrée enfin de mon fardeau moral, je me lâche. J'embrasse Antoine à pleine bouche, tout en donnant la main à Phil. Je l'aime, mon homme, autant que j'aime mon amant. Ce sont deux amours complémentaires. Au fond, le bonheur, c'est peut-être ça, de ne pas miser sur un amour unique, mais sur une mosaïque, une addition de plaisir. Et si les gens se trompaient en voulant en tout, d'une seule personne? J'ai envie, avouai-je, envie de vous deux, en même temps. Le silence est leur seule réponse, mais c'est un silence complice, sensuel. Enfin, après un long moment de calme, Phil reprend. « Moi, ça me va. Je trouvais justement que notre couple avait besoin d'un peu de folie ces temps-ci. »« Moi aussi, dis-je. Mais pourquoi on n'en a pas parlé? C'est ma faute. Je suis trop absorbée par mon travail. Venez, allons chez nous. On va s'amuser. » »« Ça me plaît moi aussi. » ajoute Antoine. Cet aveu d'Antoine ne surprend personne. C'est un fonceur, toujours partant, surtout quand c'est lubrique et insolite. Nous sortons tous les trois. Je tiens mes deux amoureux par la main. Un vent ardent souffle sur notre trio, comme une tempête douce et sulfureuse à la fois. Je ne reconnais plus mon homme. Il est devenu téméraire tout à coup. Plus aucune barrière ne le retient. Il a retrouvé sa libido, sa folie, sa passion. Antoine, quant à lui, est égal à lui-même. Fougueux, fonceur. Dans la voiture, nous commençons déjà à nous caresser et, avant même d'avoir quitté le parking, Phil décide de se garer à l'écart dans un coin sombre. « Je ne peux plus attendre, dit-il. Jessica, donne-moi ta bouche. » Il baisse son jean et j'ai l'impression que sa pine est plus grosse qu'elle ne l'a jamais été. Antoine fait de même. Je me retrouve dans une situation hallucinante. Je caresse les deux hommes tour à tour alors qu'une heure plus tôt je les croyais rivaux. J'aurais tout fait pour les écarter. Je suis étonnée de voir à quel point Phil accepte la situation et en joue même. Une lueur vicieuse brille dans ses yeux, un brin de folie inédit. et sa voix, d'habitude si modérée, est méconnaissable. Il grogne et halète. Ma bouche passe d'un amant à l'autre, tandis que ma main droite les caresse en alternance, le membre vif d'Antoine et celui plus gros mais posé de fil. Je me découvre un côté salope. Oui, je le revendique. En ce moment, je ne suis plus moi-même. Je suis une petite garce qui suce deux hommes bien différents. Et j'aime ça. Et je veux les sentir en moi, les goûter. Il ne faut pas longtemps pour que Phil, surexcité, se lâche. Et Antoine, excité à son tour de voir le miel de son ami sur mes joues, ne tarde pas à se vider lui aussi. Je reste un long instant coite, couché sur la banquette arrière, alors que les hommes reprennent leurs esprits. Je ne suis pas encore satisfaite. Ce prélude a aiguisé mes sens, et, au lieu d'être rassasiée, je n'en suis que plus envieuse. Je veux tout de ces deux amants. Je veux aller le plus loin possible, tout essayer avec eux. Alors je leur propose d'aller boire un verre chez nous, et je n'ai pas besoin d'insister. Eux aussi ont envie de repousser leurs limites. J'avais longtemps rêvé de voir Antoine dans mon propre lit, mais je m'étais abstenue. Il ne pouvait franchir la porte de la demeure sous aucun prétexte. Ma vie avec lui devait rester éloignée de celle avec Phil. Mais cette fois, tout est différent. Notre complicité à tous les trois est totale. Nous sommes dans une douce osmose sensuelle, et plus rien ne nous sépare. Il ne faut que quelques instants pour que nous soyons nus, libérés de nos ultimes barrières. J'aime m'occuper de ces deux amours en alternance, passant de l'un à l'autre, les choyant, grisés par leurs murmures. Nous avons tant parlé ce soir, mais à présent tout est dit, tout est clair, et plus une seule parole n'est utile. Notre bulle est rassurante et excitante. Nous sommes totalement unis, sans entrave et sans tabou. J'aime ces hommes. Je les aime autant pour leur esprit que pour leur sens de la liberté, leur absence d'adversité. Le fait qu'ils soient arrivés à dépasser leurs différences pour s'unir jusque dans l'intime. Phil le Breton, brun roux à la peau laiteuse, et Antoine l'exilé, métisse aux origines oubliées. J'adore sentir en moi le vie puissant d'Antoine, tout en pompant Phil. Je veux leur donner tout, les gâter, me livrer tout entière. Sans un mot. Les scènes se suivent dans une ambiance folle. Moi en levrette avec Phil derrière et Antoine qui se fait gâter par mes lèvres. Et puis ils échangent et je peux mieux apprécier leurs différences. L'énergie de l'un, la tendresse de l'autre. Ses membres en alternance dans ma bouche. L'un que j'arrive à peine à prendre entre mes lèvres, l'autre plus petit mais puissant, toujours en train de se contrôler pour faire durer. Et puis le summum. Les deux ensemble, l'un dans mon antre humide et l'autre juste à côté, entre mes cuisses serrées. Je les sais qui rivalisent pour me donner le plus de plaisir. Je les sens se frôler en moi, complices et voisins, tous deux bien fermes. Ils sont dans un autre monde, comme si le fait d'être trois les avait plongés dans une sorte d'hypnose charnelle. Je n'avais jamais vu personne dans cet état-là. Je ne les reconnais plus. Ils se déchaînent, le plaisir monte encore et les membres survoltés se tendent en moi. Puis vient la délivrance. Antoine se retire et me présente son membre que je pompe jusqu'à ce qu'il m'inonde. Et Phil s'en inspire à son tour. Me voilà couverte du miel de ces deux hommes que j'adore plus que tout. Il me reste à jouir moi aussi. Alors je me caresse frénétiquement et il ne faut que quelques instants pour que je me lâche. Sentiment d'abandon, de plénitude. Nous restons de longues minutes enlacés, tranquillement, repus, dans un silence reposant. Des idées me viennent en tête. Mille idées, des fantasmes encore, des envies, des projets de futur. Et puis je leur dis enfin « Et si on se mettait en ménage tous les trois ?» Ils se regardent, éclatent de rire. « Quoi ? J'ai dit une bêtise ?